pas de virus, pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop rock, électro, reggae, world. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bienvenue sur Virgin Radio One, 18h en ce dimanche 20 juin, comme tous les dimanches évidemment. Votre rendez-vous dominical Label Rock, c'est jusqu'à 20h. Oh yeah. Even your friends stayed until the end, not you. The heat of the night, I thought we might, not you. Your Friend, un extrait de l'excellent disque de pop de Chap, un quatrième album qui vient de sortir sur le label Loaf Records pour commencer cette émission Label Rock en ce dimanche 20 juin. J'espère que vous passez un agréable moment et que vous faites un super week-end, quoi. Un petit peu bizarre au niveau de la météo. J'espère que ça n'a pas trop gêné toutes les festivités musicales qui étaient prévues dans la région. En tout cas, nous, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il grêle, pas de souci, je suis avec vous. Sébastien sur le 89.4. Donc, comme chaque dimanche, Label Rock, 2 heures de musique, pas comme les autres. Et on va pas déroger à la règle, hein, ce soir, puisqu'on a pas mal de nouveautés à vous présenter, ceci donc jusqu'à 20h. Je vous le disais donc, de Chap, Even Your Friend, l'album s'appelle Well Done Europe, 12 morceaux de pop moderne comme on l'aime, beaucoup de pop, hein, dans le programme ce soir. Et puis comme d'habitude, hein, on s'intéressera aussi aussi à ce qui se passe du côté du local et on reviendra notamment sur un festival, première édition du festival Vue sur le Monde. Ça sera samedi, 26 juin prochain. 6 heures de concert, c'est une première. Ça sera à la salle Fontalon de Rouen à partir de 18h30 jusqu'à tard dans la soirée ou même dans la nuit ou même demain, lendemain matin, hein, carrément, le dimanche. Donc voilà, allez, on va continuer cette émission avec pas mal de musique. Cocorico, je sais qu'on n'est pas très très bon au foot en ce moment. Par contre, au niveau de la musique, on se débrouille bien, notamment avec ce groupe qui s'appelle The Lanskys. Grosse sensation, et ceci depuis 2008, hein, date où ils ont retourné le festival des vieilles charrues. Depuis et en à peine 3 ans, ils ont déjà braqué plus de 150 scènes. Premier album sorti il y a peu, l'album s'appelle Bank Holiday. Juste sur le communiqué de presse, une petite citation de Télérama qui a dit d'eux: si Bloc Party était français, il s'appellerait The Lanskys. Moi, je tenais à rajouter, surtout à l'écoute de ce premier album, je pourrais dire aussi que parmi les influences, et notamment au niveau de la voix, il y a une petite ressemblance quand même avec The Cure. The Lanskys, tout de suite dans Label Rock. Sébastien Gass. Virgin Radio Pop Rock 18h13 de Langskies pour commencer. Eastern Wall, des Français qui viennent de sortir leur premier album qui s'appelle Bank Holiday. Je vous disais que ça me fait moi penser à du Cure, hein. Pas forcément sur le morceau que je vous ai diffusé, mais sur l'intégralité, l'ensemble, la globalité de cet album. Et ça tombe bien puisque le groupe que je viens de vous jouer à l'instant, groupe américain de Los Angeles en Californie, bah, porte le nom d'une chanson des Cure justement, puisqu'il s'appelle Funeral Party. Nouveau single, New York City Moves to the Sound of LA. Je vous le disais, ils sont quatre, donc un Chad, James, Kimo et Tim. Ils viennent de la Californie, un drôle de petit morceau plein d'énergie comme ça, hein. C'est jeune, c'est très jeune, ça braille parfois plus que ça ne chante, hein, sur ce single. En tout cas, je trouve que c'est un petit peu l'insolence de la jeunesse, et franchement moi je trouve que ça le fait bien. Alors Virgin Radio Pop Rock, qui fête évidemment la musique tout au long de ce week-end, et on va continuer dans cette émission Label Rock jusqu'à 20h. Juste une dernière précision concernant Funeral Party, juste ce single à se mettre sous la dent pour l'instant, pas d'album de sortie de prévu. Je crois que ça doit arriver début 2011. On continue ce programme avec de la pop toujours, et comme d'habitude des nouveautés. C'est le cas maintenant avec une très belle découverte grâce au label Warp, un petit peu plus calme. Ça s'appelle Gonja Sufi Ship. Shepherd, babe, you're such a good shepherd. Oh, heavenly shepherd, babe, we wouldn't have it no other way. La la la la. I wish I was a sheep instead of a lion. And I wouldn't have to eat, and I'm almost at a dying. I wish I was a sheep instead of a lion, 'cause then I wouldn't have to eat this meat that is dying. A sheep, I have to be quick on my feet, running away all day from a lion that's trying to eat, subdued enough to greet one of my fellow sheep, living so humbly, sympathetic with harmony. So no one Très belle découverte sur le label Warp. Je ne sais pas grand chose hein, sur cette artiste qui se fait appeler Konja Sufi, qui vient de signer un magnifique premier album intitulé Sufi and Killer. Disque vraiment fascinant entre le rap abstrait, la soul tordue, le folk psychédélique un petit peu dingo quand même. Deux, trois choses tout de même hein, qu'on sait quand même sur cet artiste américain. Son vrai nom c'est Sumac X. Il se fait appeler donc Konja Sufi. Apparemment, il erre entre Los Angeles, Las Vegas et les étendues du sable du désert. Il n'a pas toujours été artiste hein, puisqu'il a dû gagner sa croûte en étant pompiste pour avion avant de devenir professeur de yoga. Vous l'aurez compris, il est un petit peu mystique ce garçon, Konja Sufi. En tout cas, premier album, un grand disque de l'année 2010, hein, premier semestre, hautement recommandé sur cette antenne. Allez-vous le chercher hein, franchement sur le net ou directement chez votre disquaire, vous ne regretterez pas donc cet album qui s'appelle Sufi and Killer. On va partir maintenant dans les musiques à consonance électro avec la sortie d'une double compilation d'un label culte autrichien qui s'appelle J-Stone. 16 ans d'existence déclinés sous la forme de deux CD. Le premier avec tous les classiques du label, le deuxième entièrement composé de nouveautés et d'inédits. En tout cas, 25 titres de très haute qualité. C'est le cas, ce qu'on s'écoute maintenant. C'est sur le CD classique, hein, un morceau d'un artiste qui se fait appeler Mars Mobile, Magnetizing. Ça date de 2006. Virgin Radio, pop rock, comme d'habitude. Avec du cool pendant les quelques prochaines minutes. Profitez-en. You're not a girl. Mars Mobile, très beau morceau que vous retrouverez donc sur cette double compilation, pardon, du label autrichien J Stone. Deux CD, je vous le disais, un CD classique et un CD entièrement composé de nouveautés. Voilà ce qu'on vient de s'écouter. Mars Mobile, donc Magnetizing, c'est évidemment un morceau de 2006 que je vous avais fait découvrir. C'était quoi? J'avais eu ça un petit peu plus tard. Ça devait être en 2007 quand vous avez passé cet album, hein, que vous retrouverez donc, enfin, en tout cas, ce titre, 25 titres de très haute qualité. Je vais vous parler maintenant d'une artiste londonienne que je vous ai fait découvrir dans cette émission. Pour la première fois, c'était en 2008 à l'occasion de la sortie de son premier album qui s'appelait The Leader. La voilà de retour avec déjà son troisième disque. Elle s'appelle Gemma Ray. Elle vient donc de Londres. L'album s'appelle It's a Shame About Gemma Ray. Peut-être un petit clin d'œil d'ailleurs au disque le plus connu des Lemonheads, hein, du côté des États-Unis. En tout cas, 16 morceaux dessus enregistrés en 5 jours à New York, 16 morceaux et surtout 16 reprises de titres connus, hein, d'Ella Fitzgerald par exemple, du Gun Club, d'Etta James, de Galleon Drunk, de Gershwin, de Buddy Holly, encore plein d'autres. C'est aisément un de mes albums du moment avec une Gemma Ray en top forme. La preuve tout de suite dans ce programme. Gemma Ray, ça s'appelle Swamp Snake. Magnifique voix féminine, vous allez voir. A swamp snake till the real one comes along. Let me be a swamp snake till the real one comes along. Wanna be a medicine? I won't do you wrong. Brush your carpet, spring your coffee in your bed. Let me brush your carpet, spring your coffee in your bed. Let me shake your pillow, root it underneath your head. Let me be a swamp snake. Let me be a swamp snake. Let me be a swamp snake. Let me wash your windows. Let me clean away your sins. Let me wash your windows. Let me clean away your sins. Throw you Gemma Ray de retour donc avec son troisième disque. Le disque s'appelle It's a Shame About Gemma Ray. 16 versions franchement terribles de reprises, je vous le disais, du Gun Club, d'Ella Fitzgerald, Etta James, Galleon Drunk, Gershwin, Buddy Holly et encore plein d'autres. C'est une, si vous êtes amoureux des voix féminines en pop rock, franchement, eh ben allez vous jeter sur ce disque, hein, puisqu'elle est en top forme. En top forme aussi et aussi le retour, pas une anglaise mais une australienne qu'on avait découvert avec le projet Nouvelle Vague. Certains se souviendront sûrement aussi de sa très belle prestation qu'elle avait livrée au Mardi du Grand Marais, c'était en décembre 2008. Je parle de l'Australienne Phoebe Kildare. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Did we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking its last couple of talks, and there won't be a party with weather in frost. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower. Le retour donc de Phoebe Kildare, l'Australienne, accompagnée comme d'habitude d'un de ses short straws, deux titres de Fade Out Line et un autre qui s'appelle Scholar. C'est donc disponible depuis depuis pas très longtemps en fait. Hein. En tout cas, single de titre hein, pour nous faire patienter sagement avant le nouvel album. Ça c'est la mauvaise nouvelle, l'album n'est pas prévu avant 2011. Qu'est-ce que ça nous dit sur le petit papier du communiqué de presse? Oui, premier des deux titres écrits par Phoebe seule chez elle, le second est né de sa rencontre avec Craig Walker, ex du groupe Archive. C'était lors d'un concert, puisqu'on parle de concert justement, elle va s'embarquer pour une tournée internationale, deux dates seulement hein, prévues du côté de la France, la semaine prochaine, vendredi, elle sera du côté de Paris pour le festival Solidays, et puis le 16 juillet elle sera du côté de Beauvais pour un festival qui s'appelle Scène d'été. On va rester dans les voix féminines avec le retour aussi de Morcheeba dans les bacs de disques, 7e album intitulé Blood Like Lemonade. C'est sorti le 7 juin dernier chez Pias. Alors ça va faire plaisir à tous les fans de la première heure, puisque on note bien évidemment le retour de la chanteuse originale du groupe hein, c'est-à-dire Sky, qui avait quitté le groupe en 2002. Et à l'écoute de ce nouvel album hein, Blood Like Lemonade, et ben les fans du groupe justement de la première époque ne seront pas déçus, puisqu'on retrouve évidemment l'esprit de Morcheeba avec son style et sa voix enfin retrouvée. Un extrait justement, ça s'appelle Blood Like Lemonade. Morcheeba tout de suite dans la Belle Rock sur Virgin Radio 1. Pop Rock, on y va. feeling fine. Cross the line, cross that line. Hunting high and low to seek revenge. Brand new moral code got made. Reluctant renegade, leaving empty souls. When he avenged, evil spirits flowed. Blood Like Lemonade, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup cette voix et ça me fait vraiment plaisir de voir le retour de Sky dans la formation originale donc de Morshiba. Je vous rappelle que l'album s'appelle aussi Blood Like Lemonade, septième album donc qui devrait ravir tout le monde, tous ceux qui aiment les voix féminines, ce qui est mon cas. Tiens, autre belle découverte pop de la semaine, c'est une américaine du nom de Beth Thornley, nouvel album qui s'appelle Wash You Clean. C'est déjà son troisième album et je la connaissais pas du tout avant, et c'est dommage hein, car certains de ses morceaux sont bien foutus. La preuve avec un extrait tout de suite dans Label Rock sur Virgin Radio Urban 89.4 Pop Rock. Ça s'appelle You're So Pony. J'en y va, vous allez voir, c'est bien foutu. I know there's no stop 'cause you are gone. No way I can. label pop de l'américaine Beth Thornley, troisième album qui s'appelle Wash You Clean. Je vous avais dit que c'était bien foutu tout ça, superbe album. Donc il y a des choses qui sont beaucoup plus calmes hein, sur cet album, puisque on va dire quasi l'intégralité est fait au piano, et puis il y a des petits morceaux pop comme ça, notamment donc You're So Pony. On va repartir dans des territoires plus connus du côté de label rock, c'est-à-dire avec le rock, une nouveauté sortie il y a quelques semaines chez Matador, distribuée en France par Beggars Banquet, 4 américains qui se font appeler Harlem. Sont américains, ils se font appeler Harlem, pourtant ils ne viennent pas du célèbre quartier new-yorkais, loin de là, ils viennent d'Austin au Texas, perdu au milieu du désert. L'album s'appelle Hippies, mais là rien à voir encore avec le célèbre mouvement des années 60 hein. Si vous attendez à de la musique psychédélique et progressive, et ben vous serez déçu hein, parce qu'ici ça sent bon la sueur, la bière et le rock, plutôt tendance garage blues joué avec des accords plutôt crades. Alors je vous le donne hein, c'est vrai que ça chante pas toujours très juste, mais franchement on s'en fout, c'est ça l'esprit rock qu'on défend dans cette émission sur le 89.4 Virgin Radio. Pop rock, Harlem Friendly Ghost, c'est ce qu'on vient de s'écouter, et je vous rappelle donc l'album s'appelle Hippies. Comment on aime bien diffuser apporter de la variété dans ce programme, on va se pencher sur un label anglais qui s'appelle Big Dada, une nouveauté justement signée par un groupe qui s'appelle The Infesticons. L'album s'appelle Bedford Park. À l'origine de ce projet, on retrouve le MC Mike Ladd, un producteur fer de lance du mouvement Spoken Word. C'est une sorte de poésie orale, hein, proche du slam. Nouvel album assez similaire au précédent, c'est-à-dire un joyeux cocktail sonore qui mélange le punk, le funk et le hip-hop. Je vous préviens tout de suite, il faudra quand même être assez curieux et assez ouvert pour l'apprécier. Un extrait tout de suite de cet album qui s'appelle donc Bedford Park. Ça s'appelle Get Along Anthem et je vous rappelle que le groupe s'appelle The Infesticons. Get Along Anthem, signé The Infesticons sur le label Big Dada. Nouveauté donc avec l'album qui s'appelle Bedford Park, hein, un mélange de punk, je vous le disais, de hip-hop et de funk. Je vous le disais, c'est pas toujours facile d'écouter cet album, en tout cas pour tous ceux qui aiment mélanger leur hip-hop avec le rock, vous ne serez pas déçus. Et je crois que du côté des États-Unis et de l'Angleterre, ça cartonne actuellement. On va revenir en France, hein, dans ce programme Label Rock sur Virgin Radio sur le 89.4 avec les Marseillais de Marcovo, nouveau maxi sorti le 14 juin dernier et intitulé The Hot Sodad Club EP. C'est sur un label qui s'appelle Division Aléatoire. Quelques mots d'explication sur ce groupe, hein, l'aventure Marcovo qui commence en 2006. Et il se démarque de suite en proposant un univers instrumental riche que je qualifierais même de cinématique, hein, sur certains morceaux. Premier album sorti en 2008 et là il y a un nouveau maxi disponible maintenant avec une couleur musicale de plus en plus électro, mais tout de même avec un esprit, on va dire, rock'n'roll, surtout dans la structure des compositions. Quatre titres disponibles dès à présent en distribution numérique avec, ce qui est plutôt sympa, c'est ce qu'on va s'écouter tout de suite, un remix de Robin Steiner. Ils sont marseillais donc, ils s'appellent Marcovo, le morceau s'appelle Chicago, remixé pour l'occasion par leur pote Robin Steiner. We'll be right back. Radio. Virgin Radio. À Roanne, 89.4. Tous les dimanches, 18h-20h, La Belle Rock, avec Sébastien Elias. Belle nouveauté électropop dans La Belle Rock sur le 89.4. À l'instant, les Anglais, The 100 in the Ends. C'est un single qui vient de sortir chez Warp. Ça s'appelle Dressed in Dresden. Et puis, juste avant, nouveauté française, ce coup-ci du côté de Marseille, avec un groupe qui se fait appeler Marcovo. C'est un maxi, un hippie, ce qu'on dit. Hot Sodad Club sur le label Division Aléatoire, avec un, pour l'occasion, un remix signé Robin Steiner. Marcovo, donc, Chicago. C'est un chouette mini album à vous procurer, et ben de toute urgence. Ne bougez pas, on revient sur le 89.4 avec La Belle Rock ensemble jusqu'à 20h comme tous les dimanches. Juste après la pub, je vais vous parler d'un festival. Ça sera la première édition, ça sera du côté de la salle Fontalon à Rouen samedi prochain pour une association qui s'appelle Vue sur le Monde. Tous les dimanches, 18h-20h, La Belle Rock avec Sébastien Agas. La Belle Rock de retour sur le 89.4 et ceci jusqu'à 20h. Je vous ai dit juste avant la page de pub que j'allais vous parler d'une association qui a été créée le 7 septembre 2007, une association rouennaise bien évidemment, composée de deux coprésidents, David Gaulin et Romain Perrichon, autre coprésident. L'association s'appelle Vue sur le Monde, elle bénéficie du soutien de 82 adhérents qui se bougent depuis 2007 pour que chaque enfant dans le monde ait un accès à un certain minimum, c'est-à-dire de la nourriture, un logement, ainsi que l'accès aux soins et à l'éducation. Et dans cette optique, Vue sur le Monde se propose d'établir un lien entre l'Inde et la France. Du coup, les deux coprésidents ont déjà effectué deux voyages en Inde chacun pour une durée de 3 à 6 mois. Alors, ils ont mené déjà de belles opérations depuis 2007, mais évidemment, cela n'est pas encore suffisant et l'association Vue sur le Monde veut en faire encore plus pour ses enfants indiens. Voilà pourquoi ils vont organiser le premier festival Vue sur le Monde qui aura lieu le 26 juin, donc samedi prochain, à la salle Fontalon de Rouen. Une belle affiche, puisque quatre groupes seront à l'honneur. On retrouvera les Big Bears, Alan Stoker Memorial Club, les Arcandiers qu'on connaît évidemment de Rouen, ainsi qu'un groupe que j'adore qui se fait appeler les Touffes Chrétiennes. C'est joli comme nom, les Touffes comme une touffe, T-O-U, 2-F-E-S et Chrétienne avec un K. Donc ça c'est pour l'affiche du programme musical. Sachez enfin que l'intégralité des bénéfices de ce concert sera reversée pour la construction d'un nouveau lieu de vie pour les enfants des rues en Inde. Début des festivités à 18h30 pour 6 heures de concert. Tout ça pour 15€ seulement. À noter que c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. J'ai juste une chose à vous dire, donc allez-y nombreux. On rappelle donc premier festival Vue sur le Monde à la salle Fontalon samedi prochain à partir de 18h30, où vous retrouverez entre autres ce groupe qui se fait appeler Alan Stoker Memorial Club. Ils viennent de Paris et ils vont donc jouer dans ce festival. Allez-y nombreux. Alan Stoker Memorial Club, tout de suite donc dans la Belle Rock, ça s'appelle Falling, suivi par We Are Bears, le groupe c'est Big Bears. Tout cela à la salle Fontalon samedi prochain. From a friendly distance and a holy instant that is falling down his neck. Mommy tells me not to cry, but she's sick enough to die while she's losing on a song. Where I'm afraid to spend all my life. Le morceau s'appelle Falling, le groupe s'appelle Alan Stoker Memorial Club, un des quatre groupes que vous pourrez retrouver donc du côté de la salle Fontalon grâce à l'association Vue sur le Monde. Il faudra y aller nombreux, les soutenir, puisque je vous rappelle que tous les bénéfices de ce concert seront reversés pour la construction d'un nouveau lieu de vie pour les enfants des rues en Inde qui en ont bien besoin, car ils sont justement dans le besoin et c'est un devoir de les aider. Quatre groupes donc, Alan Stoker Memorial Club, les Arcandiers, les Touffes Chrétiennes et aussi un groupe qui vient de Mâcon qui se fait appeler Big Bears. J'ai toujours l'habitude de préparer un minimum ces émissions Label Rock et du coup j'ai l'habitude d'aller sur les sites MySpace des groupes et j'y suis resté un bon moment sur celui des Big Bears parce que franchement c'est ça vaut le coup hein. À partir de demain d'ailleurs sur www.virginradio-rouen.fr, si vous cliquez dans l'onglet Label Rock, vous retrouverez justement ce site Big Bears ainsi que l'intégralité de tous les morceaux que je vous ai joués ce soir. Et puis vous retrouverez aussi le site de l'association Vue sur le Monde. Allez voir, allez donner un petit coup de main à David et Romain, les deux coprésidents. Big Bears, donc je vous disais, oui, alors c'est marqué. Les Big Bears se sont rencontrés en 1999 au rassemblement annuel des bûcherons catholiques du Mâconnais. À l'heure sacrée de la Suze, cette boisson au goût étrange qu'ils vénèrent par-dessus tout. Ils menaient une vie pieuse et paisible jusqu'au jour où la musique du diable, le rock'n'roll, s'empara sans crier gare de leurs âmes en peine. Ce jour-là, tout bascula en un coup de hache et les tronçonneuses furent vite remplacées par des guitares au son tout aussi tranchant, le tout soutenu par un ours martelant sa batterie à gros coups de tronçon de bois. Les Big Bears étaient nés. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'y aller la semaine prochaine, ça c'est clair. Ils viennent de Mâcon, ils se font appeler les Big Bears et ils seront pour une bonne cause du côté de la salle Fontalon la semaine prochaine, samedi 26 juin, début des festivités de ce premier festival vu sur le monde. 6 heures de concert, donc début des festivités à 18h30, je vous rappelle, le tarif 15€ et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, venez nombreux, c'est donc pour une bonne cause pour aider les enfants de l'Inde. Les Project Comacchino, un groupe que je suis depuis quelques mois et franchement ça me plaît beaucoup. Premier album souvent sombre, guidé par la voix sourde et noire de Chris Kane, formation anglaise. Hein. Premier album qui s'appelle, il s'appelle tout simplement Project Comacchino. En tout cas c'est disponible sur le label Parlo Records depuis quelques semaines. C'est vraiment un chouette univers qui me rappelle un petit peu une sorte d'imitation de Joy Division, mais avec quand même un univers bien personnel, ces Anglais de Project Comacchino. La bonne nouvelle, c'est qu'ils seront dans la région. Ils seront le 2 juillet prochain du côté du Sonic à Lyon. Le lendemain, si vous êtes en vacances du côté de Toulon, allez faire un tour au Rocorama. Voilà, Project Comacchino, donc le 2 juillet au Sonic à Lyon. On va rester, on va retourner même du côté de la France avec une très chouette nouveauté que je vous ai fait découvrir. Premier extrait la semaine dernière, deuxième extrait du nouvel album de Sid Matters, Brother Ocean. Un autre extrait donc de ce maxi qu'on a reçu pour nous faire un petit peu patienter, puisque l'album lui va sortir le 30 août prochain. Sid Matters tout de suite dans Label Rock sur Virgin Radio 1 Pop Rock 89.4. We are invisible. Je ne sais pas si on est invisible, mais en tout cas on nous entend bien en ce jour de la fête de la musique, ce week-end même de la fête de la musique. Drowned. And now, what's worth remembering when everything has drowned? dimanche, 18h-20h, Label Rock. Nouveautés folk rock dans ce programme Sid Matters pour commencer, We Are Invisible, première ou même deuxième extrait hein, puisqu'on vous a balancé High Life la semaine dernière, donc We Are Invisible, deuxième extrait du nouvel album qui s'appelle Brother Ocean. Il faudra attendre par contre le 30 août prochain pour pouvoir écouter ce nouvel album des Sid Matters. Sid Matters qui font de l'excellente folk rock et qu'on avait vu du côté des Mardis du Grand Marais, beaucoup d'artistes hein, et on attend avec impatience la prochaine saison des Mardis du Grand Marais qui devrait recommencer fin septembre début octobre comme d'habitude. On attaquera la 11e année, on espère, enfin c'est pas confirmé mais il n'y a pas de raison pourquoi Virgin Radio One ne serait pas à nouveau partenaire de cette excellente c'est très belle soirée hein, voilà, du côté de Riorge. Et puis à l'instant, j'ai l'habitude de recevoir pas mal de disques des États-Unis, d'Angleterre, un petit peu partout dans le monde, mais c'est vrai que je n'en reçois que très guère qui nous viennent du Japon. Et ben j'en ai reçu hein, donc cette semaine celui qu'on vient de s'écouter, une nouveauté signée par Shugo Tokumaru, un musicien japonais basé à Tokyo qui est auteur, compositeur et multi-instrumentaliste hein, son style et ses influences hein, qui incorpore pas mal d'éléments de pop, de rock et de musique électronique. Apparemment, il possède plus d'une centaine d'instruments et de nombreux jouets et appareils musicaux qu'il utilise pour composer sa musique. Je ne le connaissais pas avant hein, cet artiste Shugo Tokumaru. Kumaru. En tout cas, quatrième album pour lui qui vient de sortir. Ça s'appelle Port Entropy. C'est sur le label P-Vine Records. Je suis en train de regarder le temps. Et c'est tendu, tendu, hein, du côté de la fête de la musique, puisque c'est bien gris. On espère qu'il va pas pleuvoir et que la fête va pouvoir continuer. En tout cas, moi, je vais mettre un petit peu de soleil maintenant sur Virgin Radio One 89.4 Pop Rock avec de la musique du monde, hein, avec celle qu'on appelle la nouvelle grande voix jazz du Cuba, ou bien encore, on l'appelle aussi la Ella Fitzgerald du Cuba. Magnifique voix, énorme au piano aussi, un gros talent sur la nouvelle scène cubaine, qu'on retrouve d'ailleurs sur un excellent projet mené de main de maître par Gilles Peterson. C'est une compilation qui s'appelle Havana Cultura. Mayra Caridad Valdez, elle s'appelle comme ça, un petit peu de soleil donc dans la Bell Rock, ça s'appelle Rofo, Rofo Fight. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer la force de la musique au moment où je vous passe un petit morceau de musique cubaine, un petit rayon de soleil qui vient de s'inviter dans les studios de la rue de Sully, et franchement, c'est plutôt agréable. On va pas se plaindre pourvu que ça continue comme ça, puisque je vous rappelle que demain, c'est l'été. Oui, je le dis sans rigoler. Non, ça arrive, franchement. Mayra, Caridad, Valdez, Rofo, Rofo, Fight, vous retrouverez cet excellent morceau sur une double compilation signée Gilles Peterson, Havana, Cultura, une compilation qui s'intéresse de très près à la nouvelle scène cubaine, avec donc cette demoiselle Mayra Caridad Valdez, celle qu'on appelle la nouvelle grande voix jazz du Cuba, ou encore la Ella Fitzgerald du Cuba. C'est vachement bien, hein, beaucoup de très belles découvertes et un son parfait pour l'été qui arrive, si, promis, promis. Allez, nous en attendant, on va partir du côté du Danemark, puisque c'est un ton un petit peu danois en ce moment, avec le retour du producteur électro Trent Moller, nouvel album intitulé Into the Great White Yonder, 4 ans dans la préparation, et au final un très bel album avec beaucoup de nappes électroniques, de l'ambient, de l'électro-minimaliste, de l'électro-dub, et surtout des guitares psychédéliques pour relever l'ensemble encore un peu plus et lui donner la profondeur qui fait de cet album un très bel album. Surtout, et si vous avez adoré le premier album du danois Trent Moller, vous serez surpris, parce que là la grosse nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup de voix sur cet album qui s'appelle donc Into the Great White Yonder. Un extrait, je crois que c'est le premier single d'abord, ça s'appelle Sycamore Feeling, c'est Trent Moller dans Label Rock. Il est 19h37, ensemble sur le 89.4 Pop Rock jusqu'à 20h. Virgin Radio, Rouen Pop Rock et notamment Label Rock, toujours à la pointe des nouveautés musicales avec Trent Moller pour commencer. Nouveau single Sycamore Feeling, 4 ans dans la préparation de ce nouvel album. Et franchement, c'est un chouette album signé par le producteur électro danois, donc Trent Moller. L'album s'appelle Into the Great White Yonder. Et puis à l'instant, tout premier single pour School of Seven Bells, le trio américain de retour, donc avec ce single Windstorm, avec en prime, hein, si vous achetez le maxi, un excellent remix signé par les New Yorkais de A Place to Bury Strangers. Le nouvel album, hein, School of Seven Bells, l'album s'appelle Disconnect from Desire, ça va sortir mi-juillet. Beaucoup de nouveautés prévues tout au long de cet été, il y a du lourd, hein, des dinosaures, notamment avec le retour aussi des Anglais de Klaxons. Justement, on va s'en écouter un extrait de leur nouvel album. L'album, lui, s'appelle Surfing the Void. Il va sortir le 23 août prochain, avec une semaine avant, soit le 16 août, un single qui va précéder donc la sortie de cet album. Le single, lui, s'appellera Echoes. Et si vous allez faire un petit tour sur le MySpace des Klaxons, vous pouvez découvrir en avant-première un morceau, hein, qui fera partie des 12 titres du nouvel album. Un morceau qui s'appelle Flash Over. Oh. silver discs. Flash Over, un extrait du nouvel album, deuxième album des Anglais qui avait cartonné il y a quelques années de ça, les Klaxons. Les Klaxons qui seront donc de retour avec un nouveau single le 16 août, single qui s'appelle Echoes, et juste une semaine après, nouvel album donc Surfing the Void pour les Klaxons qui ont choisi donc la période estivale, quasi la rentrée, pour livrer leurs armes. Ça fait un bon moment qu'on attend un nouvel album des Klaxons, et en juger ce titre que je viens de jouer, Flashover, ça s'annonce plutôt de bon augure. L'événement dans le Rouennais, hein, c'est évidemment la première édition du festival Vue sur le Monde. Je vous rappelle, ça sera samedi prochain, 26 juin, à partir de 18h30, et ceci pour 6 heures de concert. Ça va être à la salle Fontalon de Rouen, et je vous rappelle que c'est une bonne cause, puisque c'est pour évidemment avoir pas mal de gains et récupérer des fonds pour aller aider à monter par exemple une école du côté de l'Inde. Donc il faudra y aller nombreux, et vous pourrez applaudir les Big Bears, Alan Stoker Memorial Club, les Arcandiers et les Touffes Chrétiennes. Ça sera donc samedi prochain du côté de la salle Fontalon de Rohan. On termine tranquillement folk. Fever in my heart, I've got a fear up in my soul. I am 60 seasons now from home, and I'm not going to see it anymore. And the only one I had is gone. The only one I had is gone. Keep the candle lit in your window. At midnight it will breathe a steady glow. I'll see it when I'm out and on the road. I'll need it when I'm out and in the cold. When the only one I had is gone. When the only one I had is gone. When the only one I had. When the only one I had is gone. used to hold. I am walking through a darkened hall, and I am walking out the open door. I have walked a million miles, and I could walk a million more. But the only one I had is gone. The only one I had is gone. The only one I had is gone. The only one I had is gone. Only One I Had Is Gone, un beau morceau de folk comme ça, signé par un américain, un new-yorkais en fait, hein, qui s'appelle Turner Cody, que j'ai connu tout d'abord quand il était bassiste du groupe Herman Dune. Depuis, il a fait une très belle carrière solo, puisqu'il en est à 8 albums autoproduits. Celui-ci était tiré justement de son dernier album qui est sorti au début de l'année, qui s'appelle Gangbusters. Retenez bien ce nom, donc Turner Cody, si vous le voyez à l'affiche d'un festival, il faut absolument aller l'applaudir, parce que franchement, c'est vachement bien ce qu'il fait. Je sais pas sur quel label c'est ça, je vais me renseigner et puis je vous dis Boy Scout Recordings, voilà, ça doit être un label de New York. En tout cas, c'est produit par justement David Ivar du groupe Herman Dune. C'est vachement bien. Donc Turner Cody, on est un petit peu en avance. Je vais en profiter donc pour vous donner quelques dates de concerts intéressants. Vous savez que je vous ai beaucoup parlé du festival des Nuits de Fourvière avec des concerts vachement bien. Allez faire un tour sur nuitsdefourvière.fr. En tout cas, moi je vous ai repéré évidemment le 13 juillet de National et Vampire Weekend, donc aux Nuits de Fourvière. Le 18 juillet, il y a aussi Arnaud Florent, Laurent Didier et DXX, ainsi que le 22 juillet, donc Benjamin Biolay, Angel and the Hidden Tracks et la magnifique Émilie Simon. Et puis plus près de chez nous, le 2 juillet, donc projet Coma Kino au Sonic à Lyon. Et n'oubliez pas, donc le 26 juin, on se retrouve tous du côté de la salle Fontalon pour aller payer nos 15 euros pour aider tous les enfants qui en ont bien besoin du côté de l'Inde. Et c'est grâce au festival, première édition du festival Vue sur le Monde. Il est 19h59 et je vais être bien élevé ce soir. On va retrouver la scène française dans quelques instants sur Virgin Radio Pop Rock, évidemment. Juste le temps de vous dire qu'à partir de demain matin, à 7h30, vous retrouverez évidemment votre flash d'infos locale. Celui-ci sera signé par Marilyn Belletête. Passez une excellente fin de week-end, excellente soirée à l'écoute du 89.4. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine entre 18h et 20h avec une autre émission de Label Rock. Soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao, c'était Sébastien. Goodbye. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h, 2 heures de son pas comme les autres.